Une vie après l'autre. Une vie après l'autre. Une vie. Après l'autre, une vie après l'autre, hey! Une goutte après l'autre, goutte. Un litre après l'autre, hey! Une vie après l'autre, une vie après l'autre, hey! Une goutte après l'autre, goutte. Une histoire devant l'autre. On l'avait dit, hey! On n'avait pas le temps de parler. On l'avait dit, hey! On n'avait pas le temps de changer. On l'avait dit, hey! On n'avait pas le temps de penser. Ouais! On l'avait dit, hey! On avait besoin de danger. Ouais, ouais, ouais, ouais. Après l'autre, hey! Une goutte après l'autre, une goutte, une vie